Que la lumière, je songe, songe à la douceur d'aller en chevaux vapeur, d'aller au bout de la terre, d'aller bien plus vite que la lumière. Il ne faut pas pleurer, je pars, mais je reviendrai. Il ne faut pas pleurer, goodbye, bye, je reviendrai. J'irai dans ma boîte en fer plus vite que la lumière. J'irai au bout de la terre et j'irai jusque dans la ionosphère. Déjà au fond de mon cœur j'en vois de toutes les couleurs. Écoute au fond de mon cœur, entends les battements de mon moteur. Il ne faut pas pleurer, je pars, mais je reviendrai. Ne faut pas pleurer, goodbye, bye, je reviendrai. Mais songe, songe la douceur d'aller en chevaux vapeur, d'aller au bout de la terre, d'aller bien plus vite que la lumière. J'irai dans ma boîte en fer plus vite que la lumière. J'irai au bout de la terre et j'irai jusque dans la ionosphère. Mais songe, songe la douceur d'aller en chevaux vapeur, aller après l'horizon, à des années-lumière de ma maison. Il